Samedi 3 novembre, 20h, le multiconcessionnaire de Delbault-Mistassini reçoit la visite des excavations à Savard de la Côte-Nord au complexe sportif du secteur de Delbault. Prix du billet, seulement 8 $. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go Multigo! Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Delbault vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Delbault-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler avec Phil Legaillé. Salut Phil! Bonjour Danny! Phil, très bon papier mardi dans le journal Le Quotidien. Habituellement, je parle de sport national avec toi, mais là, on va parler des deux. Ça touche les deux également, oui. National-Régional, sur les arbitres. Je faisais une entrevue cette semaine avec le président de la Ligue GMS, celui qui remplace Marcel Maltais, puis j'y demandais comment ça va les arbitres, puis il m'a avoué que ça allait publiquement, ça allait plus ou moins bien. Beaucoup de mal à se trouver des arbitres, puis moi je disais, regarde, le milieu du travail, on a de la misère à se trouver du monde pour travailler, donc j'imagine que c'est pas nouveau là ce qui vous arrive. Là. Puis je dis, mais j'ai vu sur les médias sociaux, parce que tu l'as partagé sur Facebook, ton oui. article, j'ai vu Denis Morel qui t'a amené une très bonne idée. Et moi, je dis que ça peut être une bonne solution, puis je vais en parler aux intervenants du monde du sport, ce que Denis t'a dit sur Facebook. Je vais te dire que ouais. je reviens mardi prochain avec ce papier-là, parce que, effectivement, j'ai eu des contacts, et même, j'ai parlé avec les dirigeants du hockey mineur de Chicoutimi, qui ont, cette semaine, suite à mon article, rencontré des gens du sport collégial à Chicoutimi, du sport études à Chicoutimi, M. Coudé. Et lui, il s'occupe de l'équipe juvénile. Et ces jeunes joueurs... les fins de semaine, souvent, on a de temps disponible et lui, il cherchait un moyen. Et là, semble-t-il qu'on va, à l'intérieur même de leur cours, instituer un peu au niveau de l'arbitrage pour inciter puis solliciter les jeunes pour devenir arbitres. Mmh. Et lui, il prétend qu'effectivement, ça pourrait aider parce que ce que je soulignais que la semaine dernière qu'à Québec, on a cancellé des matchs, j'ai appris en même temps, en parlant avec Danny Chouinard, qu'il y en a cancellé à Saguenay plusieurs rencontres dans les dernières semaines. On a même fait des rencontres avec un seul arbitre au lieu de deux. Et là, on est obligé, pour le 2B et le 2A, où la compétition est plus solide, pour avoir des arbitres en charge, deux arbitres en charge et deux juges de ligne, on est obligé de changer les heures parce que les arbitres choisissaient leurs heures pour travailler, voulaient pas arbitrer les fins de journée, les jeunes, ils aimaient pas ça, donc ils aiment mieux l'après-midi. Donc, on est obligé de changer la façon de faire. Mais effectivement, l'idée de Denis Morel, mais ce qui est intéressant dans le commentaire de Denis, c'est un peu plus loin, Jacques Morfette, ouais. c'est un ancien gars d'Alma, qui s'occupait de sport collégial, qui lui disait qu'il y a 40 ans, dans le temps que la Ligue collégiale est partie avec Serge Savard, on avait proposé à des cégeps, donc un genre de sport-études pour l'arbitrage. Et on dit qu'à ce moment-là, le projet avait énormément avancé. Ce qui avait fait retarder le projet puis qui avait fait non aboutir le projet, c'est le manque d'argent. Mais là, le problème des arbitres, il est flagrant. Ben oui, oui. J'ai parlé à des gens du Midget 3A, des gens de la Ligue junior majeure du Québec. Partout, ils ont un problème d'officiel, d'arbitre. Mm. Et moi, l'exemple m'est venu, puis le rapprochement m'est venu quand mes deux jeunes filles, qui sont âgées de 16 ans et 15 ans, qui, eux, jouent au soccer régulier, puis qui ont dit, on aimerait ça voir l'arbitrage, ils ont commencé à arbitrer, mais rapidement, ils se sont aperçus que c'est pas un métier facile, non, mais la réaction des gens. Puis cette semaine, j'ai reçu des emails de plusieurs personnes qui n'ont pas voulu aller sur la place publique, qui m'ont dit, M. Phil, vous avez parfaitement raison, on a déjà arbitré, on s'est tellement fait engueuler, on s'est tellement fait dire des choses qu'on a dit, hey, pour le 10$ ou le 15$, ben ou le 20$ que ça nous donne, c'est un paquet de troubles, on n'y va pas. Puis, effectivement, le problème de l'arbitrage n'est pas réglé, puis ça fait des années qu'il est comme ça, puis il va falloir que quelqu'un, quelque part, mette ses culottes puis dise, là, hey, il y a des façons de faire. Et deuxièmement, Danny, je ne sais pas si tu as remarqué dans l'article, je disais, les possibilités de faire carrière pour un jeune sont plus grandes dans l'arbitrage que dans le hockey. Parce que la preuve de ça, c'est que actuellement dans la Ligue nationale de hockey, juge de ligne et arbitre inclus, il y a 30% des arbitres qui ont passé dans la Ligue junior majeure du Québec, autant au Québec que dans les Maritimes. Mmh. Eh bien, il n'y a pas 30 % des joueurs de la Ligue junior du Québec qui sont dans la Ligue nationale. Non. On a à peine 5 à 7 %. Donc, c'est sûrement, je pense, un avenue. Puis il va falloir qu'on regarde sérieusement ce problème-là parce qu'il est majeur actuellement. Tu sais, l'histoire de... parce que le documentaire Arbitre, je ne sais pas si tu l'as écouté au Canal D qui a passé l'an passé, là... L'histoire que de dire que les gens, puisqu'il y en avait un qui disait à un moment donné, qui disait que, regarde, je sais qu'il m'en veut pas, il y avait mon chandail. Ça, c'est vrai, mais c'est pas tout le monde qui est capable de composer avec ça, là. Ben, écoutez, l'un des messieurs qui m'a écrit cette semaine m'a dit, moi, M. Legagné, j'étais coach au hockey. Ouais. Il dit, j'étais le premier à crier après les officiels. Souvent, je le faisais pas nécessairement dans le but de niaiser l'officiel, mais je le faisais dans le but de motiver mes joueurs. Pour essayer de les réveiller dans des matchs ou essayer de dire changer le tempo ou n'importe quoi. Sauf qu'il dit, après un certain nombre d'années, j'ai dit, hey, moi, allez voir un peu ce que c'est le métier d'officiel. Donc, il décidait de devenir arbitre. Et là, j'ai compris bien des choses. Qu'est-ce que c'était le métier d'arbitrage? Que c'était pas nécessairement la bonne formule que j'utilisais derrière le banc. Parce qu'il dit, un jeune de 16 ans a de la difficulté à vivre avec ça. Il dit, moi, actuellement, j'ai 40 ans, puis j'arbitre un peu au hockey. Il dit, un instructeur se lève derrière le banc puis essaie de m'impressionner, ça m'impressionne. Mais le jeune, mais c'est mais parce qu'un jeune de 16 ans qui se fait crier après lui, ben lui, ça le dérange. Puis lui, effectivement, il rapidement, il va abdiquer parce qu'il dit, hey, je suis pas là pour me percioler, voilà, je suis allé pour m'amuser. Puis je m'amuse pas, puis j'ai pas de fun. Puis j'ai une pression que je veux pas vivre. Parce que les jeunes ont de la pression. À l'école, il faut performer. Ben oui, ben la oui. vie, les parents et tout. Donc, des fois, il y a un petit jobin à travers tout ça. C'est toutes ces choses-là qui fait que je pense qu'effectivement, il y a des problèmes majeurs au niveau de l'arbitrage, mais c'est pas ça l'endroit non plus. Mais Phil, honnêtement, là, je suis pas sûr que c'est un vieux pieu, parce qu'il y a des parents qui, tu penses que les parents qui sont écoute, on entend toutes sortes d'histoires du hockey dans le hockey mineur, puis c'est pas les parents qui vont, c'est pas très intelligent ce qu'on entend, là. Tu penses-tu qu'ils vont ben, moi, Danny m'a rappelé une expérience que j'ai vécue. J'arbitrais junior majeur, et la première fois qu'on a décidé que la fédération nous obligeait à porter des casques, pour arbitrer. Ouais. Parce qu'on arbitrait à un certain moment, les joueurs portaient toutes des casques, mais les arbitres n'en portaient pas. Les années 80, là, tout le monde des années 80, là. Ah, exact. Et là, on a décidé qu'on est obligé. Le premier soir que j'en ai porté des casques, c'était au centre Vézina, dans un match de la Ligue junior majeure, il y avait 3000 personnes. Et quand on est arrivé sur la glace avec nos casques, on s'est fait ridiculiser par la foule. Parce que les gens, au lieu de penser sécurité, il y en a qui ont vraiment pensé dire qu'ils veulent pas se faire reconnaître, donc ils ont peur, c'est quoi au juste l'objectif. Pourtant, c'était primordial, la protection des individus, avec le hockey, la vitesse, les rondelles et tout, c'était majeur. Moi, je trouvais que c'était une idée tout à fait extraordinaire, mais c'était arrivé, puis c'était les officiels. Donc aujourd'hui, écoutez, dans la Ligue nord-américaine, cette semaine, pas salut, Danny, il y a un coach qui, pour niaiser les officiels, a dit ce qu'il a fait. Il a envoyé son gardien substitut pour prendre une punition de banc. C'est pas l'exemple à donner, puis c'est pas revaloriser le métier d'arbitre. Parce que, actuellement, dans les joueurs majeurs, t'entends presque pas chialer les arbitres. Mais tu sais pourquoi? Parce que les coachs, aussitôt qu'ils lèvent le mot comme arbitre, ça coûte 2000 piastres d'amende minimum. Ben, ça devrait être ça, quelque part. Ça devrait peut-être être ça, là, au niveau de la Ligue. Parce que je vais te dire que c'est quoi, la Ligue, les autres, les coachs, là. Ben, c'est toi que le président d'une équipe, là, qui dit à son coach, là, N'arrive-toi pas, là. Moi, je me rappelle, Patrick Harouet a fait une sortie une couple d'années quand il était junior majeur. Ça avait coûté 10 000 piastres au rempart. Peux-tu dire que les dirigeants des remparts l'ont pas aimé, là, que Patrick faisait une sortie de 10 000, pourtant, il y avait l'argent. Demain matin, s'il y a un négligent qui essaie de faire une sortie publique, puis qui coûte 10 000 piastres à son truc, pas sûr que le président de l'équipe, puis le directeur général de l'équipe va être très, très heureux. Donc, moi, je pense que eux autres, ils ont réglé ce problème-là par l'aspect monétaire. Dans la Ligue nationale, tu vois très peu de coachs faire des sorties contre les officiels, mais jamais qu'on va dire qu'un arbitre a fait une bonne job. Si tu limiterais les critiques dans le hockey mineur, ce serait déjà pas mal. Mais je reviens toujours à la même affaire que j'ai répondu au président de la JMS. Tout le monde a de la misère à se trouver des employés, fait que vous n'êtes pas à quelque part, Mais Danny, le problème des arbitres, là, ça fait des années qu'il existe. Là, mais de plus en plus. Et deux, au niveau des jeunes, de moins en moins, il y en a qui veulent aller là pour ce que ça donne comme revenu. Arbitrer un match de hockey, 2 heures, le gars qui m'écrivait cette semaine, il dit, monsieur Legagné, pour 15-16 piastres, puis il dit, en plus, en début d'année, pour suivre ma clinique, j'ai trouvé payer 150 piastres pour ma clinique. ça me prend 10 parties avant de récupérer mon argent, puis me faire engueuler. Maintenant que t'es pas porté ben aller vers là. Hey, mais c'est une bonne idée que je vais dire. C'est une bonne idée que je vais dire, parce que ça connaît que toutes les semaines, puis je vais y en parler de ça, de donner une amende à des équipes. Hey, Phil, je veux te parler d'autre chose, parce que là, on parle. Nicolas Roy, j'ai eu l'entretien de Nicolas Roy hier, parce que tu sais que Nicolas est rendu dans la Ligue nationale. Moi, écoute, il joue actuellement sur le quatrième trio, il me disait qu'il était en audition. Nicolas Roy, là, puis ça, il me l'a dit, c'est le plan des Hurricanes, là. Nicolas Roy, dans la Ligue nationale, ça va être un joueur de troisième, quatrième trio, à peu près? À peu près, c'est exactement ça. C'est pas le joueur avec le grand coup de patin. Moi, je pense que la lacune de Nicolas, c'est vraiment son coup de patin. Son physique. Il est énormément amélioré de ce côté-là. Tu sais, je veux dire, il y a le physique de l'emploi, il y a l'ardeur au travail, c'est un gars discipliné, c'est un gars vaillant. Je pense qu'il a les qualités facilement d'être un joueur de troisième et quatrième trio, là. C'est pas nécessairement le plus grand fin des marqueurs avec tout le talent nécessaire, mais moi je suis convaincu qu'il va faire carrière dans la Ligue nationale de façon régulière, puis l'équipe qui va l'avoir va avoir un joueur de qualité pour jouer sur son troisième trio. Le Canadien a repêché qui? Lucas Vegemo. Non, oui. À la place de Nicolas Roy. Puis Nicolas Roy devrait être repêché normalement en deuxième et troisième ronde, puis il a été repêché, je pense, quatrième ronde, là. Ouais. Mais moi, personnellement, je pense que Nicolas va faire une belle carrière. Moi, comme individu, j'adore cet individu-là. C'est un gars assidu à son travail, puis je suis convaincu que les Hurricanes de Caroline ont fait un excellent choix. OK. En terminant avec les Canadiens, ça se continue, ça va bien. C'est surprenant, hein, mais non. Je demeure convaincu d'une chose. Surprenant, oui et non. Je vais te dire que, en début d'année, tout le monde disait Canadien, pas de club. Et, Danny, tu sais comme moi, tous les clubs nationaux, les joueurs, ah, ils n'ont pas un grand club, ils n'ont pas un grand club, ils n'ont pas un grand club. Un peu, ce qui est arrivé à Las Vegas l'an passé. Personne ne disait, mais non, c'est un club qui se met d'expansion, ils n'ont pas de bons joueurs ou pas. Cette année, c'est plus difficile pour Vegas. Pourtant, ils ont de meilleurs joueurs. Ils arrivent pourquoi? Parce qu'on les prend pas à la légère. Là, maintenant, quand on affronte Vegas, il faut être prêt, il faut être préparé, puis faut... Moi, je pense contre le Canadien, quand on a vu partir Pacioretty, Galchenyuk, chez Weber, il n'est pas là. Price, l'année passée, a connu une saison ordinaire. Tout le monde s'est dit, quel genre de défensif qu'il y a dans ce club-là. Pourtant, quand tu regardes le club actuellement, les jeunes qui font le travail, on met énormément d'énergie. Les transactions qu'on a faites rapportent certaines dividendes. Donc, tant mieux pour le Canadien. Moi, je pense qu'ils font le travail. Puis, deuxièmement, ben, l'ardeur est là au travail. Le système de jeu, probablement aussi que dans le cas de Claude Julien, il s'est probablement ajusté à la gang de joueurs qu'il y avait là. Avant, il arrivait de Boston, qui avait un système de jeu très particulier depuis des années. Arrivé à Montréal, il n'a pas changé le système. C'était celui de Terrien qui était là. Là, il a ajusté probablement plus à son niveau, à lui. Puis ça donne des bons résultats. Tant mieux. Moi, ce que je trouve, c'est qu'ils sont assidus au travail. Ils se présentent à chaque match. Puis ils sont jamais battus. Puis c'est un peu ce qui est arrivé hier. Je pense que ça va être les blessures. Ça va dicter des blessures. Parce que là, il ne faut pas trop qu'il y ait des blessures. On voit ce qui se passe encore à Laval-Sonnet. Ce n'est pas de la faute de Joël. Là. Mais si on perdrait un Max Domi demain matin. Non. Tous les clubs, là. Aussitôt que moi, normalement, tu as une liste de blessures importantes. Je regardais les Canadiens, plus que jamais. Un petit peu moins de succès. Mais les équipes qui n'ont pas de profondeur, c'est un peu le problème qu'ils ont. C'est effectivement moindrement qu'il arrive un ou deux blessés. Puis. Sur les 80 matchs, il y en arrivera toujours des blessures. C'est tout à fait normal. Les joueurs ont plus de temps de s'entraîner. Tout ce qu'ils font, ils jouent des matchs. Il arrive des blessures. Les matchs sont intenses. Mise en échec. Puis aujourd'hui, là, tu ne joues plus avec une blessure. Avant, les gars jouaient avec des blessures. Maintenant, c'est plus vrai. Moindrement que tu as une blessure, tu es au repos. L'association des joueurs exige. Les physiothérapeutes, tout le monde oblige. Avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, c'est le cas. Puis c'est correct aussi. Les athlètes méritent qu'on les considère mieux que ça. C'est pas du bétail, ce sont des athlètes. Donc, moi, je pense que, personnellement, quand tu as une liste de blessures moindrement importante, ça affecte le rendement de l'équipe, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais.